compañeros del mundo. Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Vous vous en doutez peut-être, si vous entendez ma voix, c'est que Virginie n'est pas là. Elle est en train, a priori, de nous préparer une émission de radio en direct différé du Mexique pour le mois de mars, du coup. Du coup, normalement, on aura quelque chose d'assez intéressant et des informations qui seront toutes fraîches et qui arriveront directement de l'autre côté de l'Atlantique le mois prochain. Mais pour l'instant, donc, je suis tout seul pour gérer l'émission ce soir. Et ce qu'on va vous proposer, c'est quelques extraits de la rencontre qui a eu lieu ce week-end avec la DAF, l'action révolutionnaire anarchiste turque, qui était à Paris sur invitation du collectif des anarchistes solidaires avec le Rojava. Pourquoi ? Beaucoup parce que la DAF, donc, c'est une des organisations anarchistes turques les plus actives, qui a eu un rôle assez important, qui s'est en tout cas beaucoup mobilisée autour de tout ce qui s'est passé autour de Kobané, de la révolution du Rojava, et qui exerce une sorte de soutien critique à tout ce qui peut se passer autour du PKK, des Kurdes et de l'évolution du mouvement et de ce que ça peut impliquer en termes de mouvements sociaux, de transformation sociale, voire de révolution, puisque c'est le terme qu'il faut, je pense, utiliser. Et donc voilà, ils avaient invité quelques-uns des copains de la DAF. Bon, certains ont été bloqués en Turquie, se sont vus refuser le visa ou une interdiction de sortir du territoire. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux sont objecteurs de conscience, refusent donc le service militaire. Ils ont eu quelques embêtements au moment de venir jusqu'à Paris, mais malgré tout, il y en a un qui a pu faire le déplacement et qui a pu expliquer un petit peu ce qu'était l'action anarchiste révolutionnaire turque et ce qu'ils ont pu faire là-bas. Donc voilà, l'émission d'aujourd'hui sera principalement constituée d'extraits de cette discussion qu'il y a eu. C'est plutôt intéressant, parfois un peu dur à suivre parce que forcément la traduction oblige. Ça peut paraître parfois décousu, mais bon, c'est un point de vue assez intéressant, un témoignage direct de là-bas et un témoignage assez chouette de tout ce qui est. Assez chouette. Un témoignage au moins intéressant de tout ce qui a pu se passer là-bas. Mais comme d'habitude, on va commencer en musique. Años de revolución, 100 años. 106.3, la jungle des luttes. Vous avez peut-être reconnu les copains de la Resistencia d'Emerico. Donc la jungle des luttes, l'émission mensuelle du CSPC, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, tous les troisièmes lundis du mois est retransmis le jeudi matin, que vous pouvez retrouver aussi sur le blog lajungledesluttes.blogspot.com. Donc on va commencer avec la petite rencontre, enfin la grande rencontre qui a eu lieu ce week-end avec la présentation de la DAF, donc l'Action Anarchiste Révolutionnaire Turque. C'est parti. It is wonderful that now we are meeting in the days of the after the victory of the Kobani. Actually, we have arranged three other comrades to come here to make this event in here, but one of them has couldn't take passport because of he objecting the military service. As all of us, we are all conscientious objectors, because the joining to military army is a must in Turkey. So donc il est content de pouvoir venir et intervenir ici après les événements à Kobané. Une des personnes n'a pas pu venir puisqu'il devait être trois à la base et il a été empêché d'avoir le visa, en gros, parce qu'il est objecteur de conscience. Ils sont tous objecteurs de conscience dans DAF, et il faut savoir que le service militaire est obligatoire en Turquie. The other two comrades couldn't reach to here, and finally in the last point I came here to make this event with you. So actually we are maybe as we talk in the beginning, we can describe a little bit DAF, what is DAF, Revolutionary Anarchist Action, what does DAF, and after that we can talk about the Kobani issue mostly. Donc le plan, un petit peu le plan qu'on vous propose, c'est de commencer avec une présentation assez courte du collectif DAF, et ensuite de parler de Kobané. En fait, on n'a pas pu imprimer énormément de brochures, donc on vous laisse les parcourir et les faire tourner. Il y en a une dizaine, donc voilà, partagez. In English, we didn't succeed to print a lot of stuff, it was at the last minute, so share it, and it's a lot of pictures and also some text describing mobilizations and in Turkey. You have it, you can download it on the website. It's not on the website right now, but I can put a link to reach it, or if we feel paper for the contact. By this way, I can take your contacts. On the other hand, I can transmit the PDF to you. Ok, donc il n'est pas encore en ligne, mais il pourra le mettre en ligne. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi laisser votre contact email. Comme ça, il vous l'enverra, il vous enverra le lien pour le télécharger. In the beginning pages, you will see the short text about saluting the, all of the international solidarity about the Rojava Revolution and the Kobani Resistance. And the first page will show you about the conditions on the Kobani that we have experienced, that our comrades are still in that geography has experienced, and it is effects to the western part of Anatolia. Donc la première partie, dans la première partie, il y a un texte qui est une salutation à toute la solidarité internationale qui a lieu. Et après, il y a beaucoup de photos et aussi des photos qui expliquent ce qu'ils ont pu voir concrètement à Kobané même. And after that, it is about our solidarity event, about all anarchist organizations and the anarchist prisoners on all over the world. And it continues with the DAFS event. We prepared this kind of a brochure because we have make a summer explanation. What is the DAF? Because donc il y a des photos aussi de mobilisation qu'il y a eu en solidarité avec les prisonniers dans le monde entier, de différents groupes de DAF dans différentes villes. Et il y a des présentations des différentes activités de DAF. In Anatolian lands, we are fighting because of a need. Our anarchism struggle in Anatolia, in Mesopotamia, is not a cultural, intellectual movement. I'm not saying in any other places like this. But in Anatolia, it is a need because the people economically, socially, and culturally solve some of their needs. It is the only way to reach well conditions on the economical and economical, social, and cultural conditions. It is the best way to reach these conditions by anarchism. Okay, donc l'anarchisme qui pratique dans la région d'Anatolie, Mésopotamie même, dit c'est que c'est un réel besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière de réussir à pourvoir à leurs besoins localement, et que c'est pas un anarchisme intellectualisé ou intellectuel. When the comrades from the all over the world and mostly from Europe when visit us, firstly they ask us, what kind of anarchist are you? Actually, there is no possibility to be in a fight in Anatolian and Mesopotamian lands to fight on one type of anarchism. You have to fight for every injustice issues. You have to fight against all kind of the power and the authoritarian relations. It could be Donc souvent quand il y a des étrangers qui viennent et qui leur demandent mais quel genre d'anarchisme vous pratiquez, et il dit on n'a pas le choix en fait, on pratique un anarchisme qui se bat contre toutes les formes d'injustice et d'autoritarisme ou de prise de pouvoir qu'il peut y avoir. These problems is can be two variety. Like all over the world, but there's a little bit more vivid conditions in the Middle East. For example, patriarchy is too vivid because it is still in Turkey. Every day, a woman is killing by her husband, her boyfriend, or something like this is killing. So patriarchy is too continuous. Think, and every evening you are hearing a husband is killing his wife. Donc parmi il y a, on va dire qu'il y a des, réalités particulières aussi en Moyen-Orient et en Turquie c'est le patriarcat est très fort et les violences faites aux femmes entraînent la mort d'une femme tuée par son mari ou par son compagnon chaque jour. And actually we know that that is not an accident but like they say work accidents are too common in Turkey. There can be immediately a construction worker can be die in every day. On the other hand, like you know, in the last year, two mine can explode immediately, and many people can die. And it is like the president say. Old prime minister, a new being president, says it is normal if you are working in a mine, you will be die. Like say, it is too common, and it is continuous. Sorry, but what is the link between the mine and No, it is not between. It is different conditions, different struggle areas. We have. I will explain it totally. We have to be in every injustice Donc, conditions. Il y a des. Je crois que la première partie c'était sur la violence faite aux femmes. Ils disent que c'est un accident, mais on est bien conscient que c'est pas un accident. C'est quelque chose qui est beaucoup trop régulier pour considérer que ce sont des accidents. Et par ailleurs, il parle de la violence, du fait que tous les jours, on peut sauter sur une mine. C'est le travailleur des mines. Ah, sorry. Donc, des accidents de travail. Ah, trop quotidien, sorry. Trop régulier. C'est pas des accidents. Ok, c'est comme les accidents dans les mines. Désolé si j'ai complètement... Et les premières ministres, le président, il a dit que... Que c'est normal. Si tu meurs dans une mine, c'est normal. Voilà, ça peut arriver. So I thought about Soma demonstrations, and we have seen in a multicultural area. I think it is similar, it's like here, but between this variety of the societies. Some groups are mostly oppressed. For example, Alevis are killing immediately and every time. For example, in the Gezi Park resistance, all of the died persons were Alevis. On the other hand, donc il y a une réalité multiculturelle et au sein de laquelle certaines minorités sont plus opprimées. Et notamment, il parle des Alevis qui ont été parmi les morts de Gezi. C'était que des Alevis, apparemment. On the other hand, oppressed people is mostly shows as Kurds. So Kurds in the Mesopotamian geography were not resisting on the last 30 years. Kurdish society is oppressed by hundreds of the years before from the beginning of the Ottoman, maybe the Turks came to the Mesopotamia and the Anatolia, and we have to see this society has never experienced any state organization. They are now inside four different states and they are oppressing with all of them. Donc les minorités turques, ça fait bien longtemps qu'elles sont opprimées, ça fait pas seulement 30 ans qu'elles luttent. Elles sont la réalité c'est quatre états au sein desquels elles sont à chaque fois réprimées. As a result, revolution and anarchist action, DAF, is a structure that fight for every injustice condition. So inside the DAF, inside the DAF network, inside the I don't know how can we explain this model, because in all over the world when you look you can see different types of the organization structures. You can see the federations, you can see the networks. Sometimes they don't get on well each other, but there's a experience in the Anatolia in many different struggle areas. For example, one of them I didn't talk about so much, Patika Ecology Collective, fighting against the hydroelectric power plants, nuclear power plants, and many this kind of ecological fights, anthropocentric, against the anthropocentric applicants. Donc il y a, il va parler en gros de la diversité des actions qui sont menées dans DAF. Il va peut-être pas parler en particulier d'un, il va peut-être l'aborder, mais c'est un collectif radical écologiste qui se bat contre le nucléaire, contre des centrales électriques. Et j'ai probablement oublié le début. Parce que... En fait, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de forme d'organisation particulière. Des fois, c'est des réseaux, des fois, c'est des fédérations. Des fois, en fait, ça, les formes d'organisation, elles varient en fonction des stratégies. So, am I concerned? As a result, I'm trying to explain that in the anarchism experience in Anatolia and Mesopotamia, we started to fight by 8 years before, and after that, due to the needs, we have create a wider organization. We put our force in different times, in different parts mostly, but we every time try to be in every injustice fight. L'organisation anarchiste, il a commencé il y a 8 ans à se développer, mais on est un peu partout dans tous les luttes. So we put our force in different times, in different struggle areas. In one time, when the hydroelectric power plants struggle has increased, we put most of our power against the building dam projects. So we have success to stop many dam projects. Success to stop many dam projects. And after that, in a different time, for example, this kind of a big topic of the Kurdish struggle, like Kobane issue, all of the structure are focusing the Kobane issue. But it is not the meaning of the we are doing, all of the organization is doing the same work. Now, today, in another city, there's a fight against the mine project also. Par exemple, on essaye d'être un peu partout. On a fait une bataille contre une hydroélectrique. Et maintenant, il y a les trucs en Rojava. Mais aussi, on est dans une mine. Une lutte contre une mine. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Para tu orgullo, que engrasa tu cara, memoria histórica, es galtecona. eseraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Edororen oina zazarratuko dugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Edororen oina zazarratuko dugu. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. On va donc continuer avec la rencontre avec la DAF qui a eu lieu ce week-end à Paris. Pour nos, ceux qui nous écoutent régulièrement, ça fait un peu écho évidemment avec une émission qui a eu lieu il y a quelques mois de ça, si ma mémoire est bonne. Je crois que d'ailleurs je n'étais pas là, mais où on avait invité quelques copains du collectif des anarchistes solidaires avec le Rojava. Et qui du coup avait raconté un petit peu ce qu'il pouvait s'y passer, pourquoi est-ce qu'ils considéraient que c'était important d'être solidaire et qu'est-ce que ça pouvait représenter pour eux là-bas. Et bah du coup on va avoir un éclaircissement sur ce que ça pouvait représenter et un témoignage direct de la part de la DAF qui, comme je vous le disais, était assez impliquée dans les camps de réfugiés qui étaient juste du côté turc de la frontière avec Kobané. C'est reparti. Actually, we have to put this issue on this point. No one claims Kurdish Freedom Movement is an anarchist organization. Everybody must know it. It is not an anarchist organization. There is no revolutionary anarchist project. So, personne ne dit, il faut bien être au clair que personne ne dit que ce qui se passe, que la lutte qui se passe au Kurdistan, c'est un mouvement révolutionnaire anarchiste. Les combattants à Kobané et ailleurs ne sont pas des militants anarchistes. Thereby, the practices of the Kurdish movement cannot criticize as shortcoming or flawed by due to this fact. I don't understand. On peut pas considérer ça comme des erreurs ou des problèmes dans les mouvements si on les voit avec vers une vision anarchiste. But we have to see this also, like our comrades made on the history, in the tradition of the anarchism. We have to see the societies or people fighting against the states. And like in our history, we have to be with the oppressed peoples against the oppressors. En fait, il faut regarder les événements comme l'ont regardé nos aînés du mouvement anarchiste. C'est une lutte d'un peuple contre l'oppression d'un État, c'est la lutte pour l'émancipation d'un peuple. On this point, the criticism of the movement against state and the capitalism at the same time cannot be ignored by the anarchist movements. Un mouvement qui se bat à la fois contre l'État et contre le capitalisme ne peut pas être ignoré par le mouvement anarchiste. The struggle of the Kobane and the or freedom fight for the Kurdish society cannot be tied only to Bukchinist libertarian municipalism. le mouvement qui se développe dans la lutte pour Kobané et puis dans la lutte pour la libération du peuple kurde ne peut pas être regardé simplement avec la grille de lecture d'un municipalisme buccinien. We saw the movement has reference many different quotations on the many different anarchist comrades like Kropotkin, Bakunin, and Proudhon also in many different times. On peut faire le lien avec d'autres penseurs anarchistes comme Bakunin, Kropotkin ou Proudhon à certains temps. I will give an example about the movement talking about anarchism. Il va donner des exemples pour faire le lien avec ce dont parle le mouvement anarchiste. This station is from Öcalan at the 2009. I will read this part. C'est quelque chose qui date de 2009 et qui a été écrit au Rojava. Öcalan. This is not my word, I'm reading only. I explained in my defense that the defense against after he has arrested. My defense that state is not a solution. J'ai expliqué dans ma défense, donc au moment où il a été arrêté et puis qu'il était inculpé, donc au moment où il se défendait, que l'État n'est pas la solution. Marx, Lenin, Mao, they couldn't understand the state very well. Marx, Lenin, Mao ne pouvaient pas vraiment comprendre l'État de façon correcte. Proudhon, Kropotkin and Bakunin, they could understand the state better. Proudhon, Bakounine et Kropotkin l'ont compris de façon plus adéquate. Source of oppression, exploitation and tyranny is the state itself. La source de l'oppression, de l'exploitation et la tyrannie, c'est l'État même. That was the station of the Öcalan. I want to give this example to understand the last time of the movement's general ideas. But I said, it is not meaning the PKK movement or Kobane revolution, Kobane resistance and Rojava revolution is not an anarchist structure totally. Cette déclaration de Öcalan ne veut pas dire pour autant que la résistance au Kurdistan et puis que le PKK sont 100% anarchistes. These informations that I explained is not based on quotations from articles or from books. But it depends on mutual observation and the mutual observation and the common fight for two political organizations as DAF and the PKK that share the same territory, same common ground for the struggle against the state and the capitalism. Ce dont il parle, ce n'est pas d'observation ou de lecture dans des livres, ça n'est de l'expérience sur un même territoire que deux organisations, DAF et le PKK, ont pu faire dans une lutte commune contre l'État et le capitalisme. I'm trying to make a short summary to give enough time for the questions. Il va faire très court pour laisser assez de temps pour des questions. maybe we have to talk about the Rojava condition. Rojava, the Rojava's condition is cannot be understood as Assad has left from the region, and his claimed agreements with the global powers are taking the control of the region of Rojava. It can't be understood like this. I will explain. La situation en Rojava ne peut pas être comprise que seulement par le fait que Assad avait laissé la zone. We saw really great social transformation in the Rojava, I think 3 years before. On a vu déjà des réalisations de transformation sociale 3 ans avant le fait qu'Assad se retire de la région. We mustn't forget the political condition of the Middle East and the political hardness and the equations of the Middle East. So in that geography there could be also show these people two solution in quotations. Actually these are not solution. On peut pas faire abstraction des conditions au Moyen-Orient et les deux solutions qui sont offertes au peuple du Kurdistan, qui sont en fait pas deux solutions. In the Middle East, it is a prototype. It is same in the Syria and it is same in the also Turkey. Au Moyen-Orient, c'est un cas d'école. C'est la même chose en Syrie ou c'est la même chose en Turquie. There is two wings you will be faced on. One of them, COP supporting seculars. The other one is the conservative Democrats. Le premier, c'est les deux solutions qui sont offertes dans la région, c'est les coups d'État militaires, les dictatures militaires, ou le pouvoir religieux séculier. Conservateur. Non, mais démocrate conservateur. You know, every social transformation in the Middle East or also the similar geographies has tried to be explained as a common word, as springs. You know, in the Middle East, in the Middle East, when the springs goes into the winter, this Rojavan people, this Rojava society, has created their own solution. They couldn't choose the COP supporting seculars. At the same time, they didn't choose the conservative Democrats. So they weren't with the Assad's state, and they weren't with also the Free Syrian Army. En fait, tous les événements qui sont passés au Moyen-Orient ont eu un mot commun donné par les médias, c'était le printemps arabe. Et en fait, au moment où les printemps étaient en train de se transformer en hiver, parce que les situations changeaient et puis la situation de guerre faisait que les forces progressives étaient en train de perdre, les peuples du Kurdistan ont inventé une autre solution qui était ni le coup d'État militaire, ni la soumission à un pouvoir conservateur religieux. Et c'est à partir de là qu'ils ont inventé leur propre voie. I think this point is important for all anarchists. Creating your own solution. Ça doit être un point qui est important pour le mouvement anarchiste, le fait de créer sa propre route. In my words, my words are not an effort to claim it is an anarchist process. However, we have to see the anarchist characteristics of the movement. We can't ignore this. Son propos n'est pas de faire de ces événements des mouvements anarchistes révolutionnaires, mais de pointer les éléments anarchistes qu'il y a dans cette dans ce processus de transformation sociale. So this experience would make anarchists that give importance and fight for a social revolution will be happy. The anarchist will be happy that fights for a social revolution. Les anarchistes devraient être contents de ce combat pour une révolution sociale, du mouvement qui se développe au Rajava s'il devenait victorieux. Like in the beginning, I said, this happiness is not an emotional happiness. It is about our political goals and the strategies can be applicable. Applicable is not or in well-conditioned countries. These arguments, the anarchist ideas, anarchism projects, can be applicable also in such a Middle East land, Middle East geography, and such an age. La joie qu'on peut ressentir par rapport à ce mouvement, c'est pas simplement un sentiment, c'est pas un sentiment émotionnel. C'est aussi une analyse par rapport à nos objectifs et par rapport à nos pratiques. Le fait de pouvoir montrer que l'anarchisme est possible en pratique dans des régions telles que le Moyen-Orient, où effectivement des choses sont possibles, des choses se mettent en place. We anarchists try to be inside a wider perspective when we are trying to understand in different geographic struggles. I mean, for example, if an anarchist organization focused only workers' struggle, in my opinion, it is not a good way for the anarchism fight. L'anarchisme, dans son analyse des événements, doit prendre en compte les conditions dans lesquelles elle se développe. Et faire le choix, par exemple, d'une lutte uniquement en direction des luttes uniquement ouvrières, ce serait une erreur du mouvement anarchiste. Il faut avoir plusieurs solutions, plusieurs façons d'agir. So, if we imagine an organization is trying to wrongly the movement of Kobane, they would ask. Firstly, is there any worker class in Kobane or in Rojava? Actually, I'm trying to give an example on this, a wrong perspective. Like, if you try to see a worker class, and after that you will be enter this struggle, you can't see a worker class in Rojava because there is only two tomato sauce factory. So there is no worker class. So as a result, won't we enter the struggle on this social transformation? En fait, c'est, si on a une grille de lecture où il faut un mouvement ouvrier qui déclenche la révolution, si on cherche un mouvement ouvrier, une classe ouvrière au Rojava, on ne va pas la trouver. Donc on va partir avec une fausse lecture et une fausse analyse de la situation. Parce qu'il faut savoir qu'au Rojava, il n'y a que deux entreprises de sauce tomate, donc il n'y a pas de classe ouvrière au sens où nous on l'entendrait, où on serait en train de la chercher avec nos yeux Pakistan. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors vous voyez peut-être pourquoi est-ce qu'on trouve ça intéressant de passer ce petit débat. Assez régulièrement, il y a des parallèles qui sont faits entre les Kurdes et les Apatistes. Alors pas forcément toujours à propos, pas toujours forcément bien trouvés ou pas forcément toujours pertinents. Mais il faut avouer qu'il y a quand même quelques liens et quelques similitudes qui peuvent exister. Déjà, on sait, il est sûr et il est clair qu'il y a eu des liens entre les apatistes et les populations kurdes en lutte au cours des années de développement de la rébellion apatiste. Et dans ce que disait le copain de la DAF là tout de suite dans sa dernière intervention, il y a une idée qui est assez intéressante et qui est assez similaire, c'est cette idée de devoir trouver son propre chemin dans sa lutte, dans son milieu, dans son contexte. Pour lutter contre l'oppression, contre le capitalisme, contre l'État, et c'est quelque chose qui semble assez similaire. Alors c'est pas du tout les mêmes réalités, c'est pas du tout le même processus, et c'est pas du tout les mêmes choses qui sont en jeu derrière, enfin qui sont en jeu aussi, mais qui se sont jouées en tout cas. Et donc il y a quand même certaines relations, un discours qui est assez commun et qui pour ça est intéressant. Et donc on va continuer avec cette discussion. Pour repartir sur un petit peu plus Kobané, ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé, ce qui va se passer, et comment ça s'imbrique avec le mouvement social kurde et là, cette révolution du Rojava. So, I will transmit the conditions of the Kobané a little bit, but I am giving the importance of this event for. To be not too detailed, but the information from the inside. The information from the inside Kobane, inside the Suruç, inside the struggle. Because on the internet you can see many texts, many critics about the Kobani struggle, about the YPG, YPJ forces. Depends on the some footnotes, but footnotes are really reliable or not. We don't know. Maybe if you read so much, you can understand which footnotes are not so reliable. So I will try to give the DAF's experience from the struggles inside. On peut trouver beaucoup d'informations sur Internet et des fois sur les notes on a d'informations plus spécifiques. Mais ce qu'il va parler, c'est l'information qu'il a en tant que DAF à l'intérieur de la lutte. Actually, now we are witnessing about more than 130 days, more than the 130 days fight against the all authorities in the Kurdistan lands. We are witnessing about the self-organization experience of the Rojava people. Donc depuis 130 jours, on voit la lutte contre tous les États avec les peuples du Rojava. In the last these days, we all witnessed with the fight of how women and men fight together, and old and young, and struggled against the ISIS, against the Assad forces, against the Turkish state, against the all capitalist powers, also against the coalition powers, also against the United States. On a vu comment les peuples jeunes et vieux sont luttés contre les régimes d'Assad, contre l'État islamique et contre la coalition. And we saw also the disinformation or misinformation of the media, mainstream media, and the people have fight against this kind of great oppression on them and fight for their freedom. On a vu dans les médias la misinformation ou la désinformation. Too often. J'arrive pas d'anglais en français. Je pourrais faire le français en anglais, mais je n'arrive pas. Désolé. Actually, we are in here because we didn't felt us alone. We felt many comrades in all over the world were fighting with us, were giving their support to us directly. Actually, we know that the... Can you say it? No, it's me now. The next one. En fait, quand on s'est retrouvé là-bas, on ne s'est pas retrouvé seul. On savait qu'un peu partout dans le monde, il y avait des camarades, des gens qui suivaient notre lutte et qui nous soutenaient par fin de mois. Actually, we were knowing that we will be not alone on this fight because we know that the effects of the social revolutions are not cannot be limited on only the borders that shaped by the states. En fait, on s'est retrouvé là-bas et on s'est rendu compte que notre lutte et ce qui est en train de se passer au Rojava, notamment la révolution sociale, allait toucher beaucoup de monde, aller traverser les frontières et arriver jusqu'en Europe, par exemple. And we know that in any part of the world starts a fight for freedom, it will affect all of the freedom struggles all over the world. Et on savait que du coup, comme on commençait une lutte pour la liberté, une lutte révolutionnaire à un endroit du monde, et que cette information allait se diffuser, ça allait avoir des effets sur l'ensemble des personnes et des luttes pour la liberté et révolutionnaire à travers le monde. From the beginning of this process, we saw the anarchist comrades' behaviors, and it showed us again, like the quote, "Solidarity is our only one weapon." Et du coup, à partir de ce moment-là, on a vu le comportement des camarades à travers le monde. Et on a vu, enfin, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, notre grande force et notre grande arme ça, sur le terrain, ça allait être la solidarité. From the beginning of the process, as I told you, different comments can be done, actually. It is normal, I believe. But we have to make our comments, we have to depend our critics on good observations, I think. Alors c'est pas très clair, mais en gros, dès le début, on a pensé qu'il fallait faire des commentaires sur ce qui se passait et toujours garder un esprit critique sur ce qu'on allait voir sur place. Juste garder un regard positif sur les commentaires. In different geographies, different experiences of this fight, actually, we know. So due to the fact that there can be different comments on the struggle, but we have to see this movement from the beginning of this problem. The problem is started in the Middle East, so we can't discuss about only these 130 days of the Kobani resistance. Also, at the same time, we can't describe Kurdish freedom struggle for only the 30 years of the PKK. On peut faire plein de commentaires sur la situation, sur ce qui se passe, mais on est obligé de placer notre analyse au regard de ce qui se passe depuis des années, pas simplement se limiter aux 130 jours de la lutte de Kobané, ni sur les 30 dernières années d'existence du PKK. C'est une lutte qui jaillit de beaucoup plus loin, il faut prendre en compte d'où elle vient pour la comprendre. En fait, si t'es pas près du micro, Fred. Mais j'ai pas envie de traduire. Je viens de l'aide, on n'est sûrement pas les seuls à parler français correctement. Enfin, parce que de l'anglais vers le français, si vous comprenez bien l'anglais, c'est quand même pas trop mieux. Next one. Number 5. Actually, it is necessary to say that forming a solidarity relationship with the Rojava Revolution and the Kobani Resistance is not an emotional relation. Les actions de solidarité qu'on peut faire avec la lutte au Rojava, c'est pas quelque chose au niveau de l'émotionnel ou c'est pas juste un élan du cœur. Because the anarchist organizations' relations cannot depend on the sympathy. Nos analyses et notre pratique ne peuvent pas simplement se limiter à des accès de sympathie. These relationships that we have been experiencing by many years there are depends on the political perspective and a plan. Les perspectives doivent être liées à des perspectives politiques et une stratégie politique. So, the making this kind of strategies, cannot be far away from the objectivity. Ces stratégies doivent être au plus proche de l'objectivité. Wondering part is the relation between PKK and DAF, I think. Le point le plus critique, ça serait plutôt autour des relations entre le PKK et DAF. In different papers, we saw some critics about this. The critics were depending on the PKK's political history. La plupart des critiques sont centrés sur une critique de l'histoire du PKK. And we can make a little parenthesis about this issue. We say PKK from the beginning, and the state says PKK. It is two different speaking. Pour faire une parenthèse, il parle du PKK et puis le gouvernement parle du PKK. Actually, this difference gives a meaning to look for the fight. If you be with the Kurdish soldiers, Kurdish freedom fight, you say PKK. Or if you in the part of the Turkish state, you say PKK. Si vous êtes du côté de la libération, du mouvement de lutte au Kurdistan des Kurdes, vous dites le PKK, et si vous êtes du point de vue de l'État turc, vous dites le PKK. Actually, it looks a little bit funny, but it is happening in every time. From the Tayyip Erdogan fight with the Assad. Actually, I don't know which one is the true, Assad or Assad. Before that, the Tayyip Erdogan was saying Assad, and after that, Assad. After the Syrian war started, Tayyip Erdogan come with the Free Syrian Army's part and the coalition powers and the United States, United Nations, etc., and changed the language. I'm giving this importance to the language is not only the shape, also its meaning. Ça peut sembler rigolo, étrange de parler de PKK ou de PKK, mais en fait le même problème se pose par rapport à Assad. Est-ce qu'on dit Assad ou est-ce qu'on dit Assad? Le problème de langue, des mots utilisés, ça, c'est important aussi dans la définition des choses et puis des forces en présence, en fait. Après, j'ai pas tout saisi par rapport à... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Quoi? Non? Okay. Actually, the critics are mostly depending on the two different times argument. The arguments from the past times of the Kurdish movement and the in the papers of the their theoretical papers, democratical confederalism, and it also contains many parts of the libertarian municipality projects and the local governing projects and the self-organization arguments. It is the Si on fait l'histoire de la lutte kurde, on se rend compte que le projet de confédéralisme démocratique contient une approche municipaliste libertaire de l'auto-organisation au niveau local. These arguments are mostly depends on the after 2000. But before that, there is another argument, and it is talks about it has been talking about the nationalistic roots of the movement, PKK movement. Ce tournant sur le confédéralisme démocratique qui date des années 2000, et c'est vrai qu'avant on cite souvent le côté nationaliste des luttes. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On va enchaîner avec probablement la dernière partie de cette discussion qu'on va pouvoir passer, parce que la loi du temps qui passe va nous empêcher de la diffuser en intégralité. Cela dit, je pense que si vous voulez la retrouver, je mettrai en ligne avec l'émission l'intégralité de la discussion et l'enregistrement qu'on avait fait. Mais voilà, on continue avec une dernière partie a priori. In the history of the revolution and anarchism, we can see many examples like economical, social, and cultural struggles are continued at the same time. So, if we focus on only this kind of wrong point, As a result, it means that we don't we ignore the South America struggle or Far East Asia struggle in the history. Uh, l'histoire des luttes anarchistes est faite de mouvements économiques, sociaux, culturels. Et si on reste avec une seule grille de lecture, on est incapable de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, etc. En Amérique du Sud. I will finish in a short time. So, at this point, we are not saying we are fortune tellers. Actually, we are not fortune tellers. So, we can't understand what will happen in the next month, in the next year, in the next decade. On n'est pas des devins, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines dizaines, 10 prochaines années. We can't know this social transformation will be shaped in which kind. On ne peut pas deviner dans quel sens ce processus de transformation sociale va aboutir, va se diriger. But we are giving and we are trying to give our observations. Our observations on the Kurdish struggle, also their observations on our struggle at the same time, because we are in the same fighting area. So I'm trying to give the these struggles opportunities. And like I said, it is an opportunity to show our theories can be realized in this century also. Il s'agit de faire le lien entre leurs observations et puis en tant que DAF et puis dans la lutte des Kurdes pour profiter de cette opportunité de montrer que l'anarchisme, nos idées, nos pratiques sont possibles sur un territoire. But we are revolutionary anarchists. We can't do like this. We can't sit our chairs and only watch and criticize it in our theories. Depends on the books and the articles. And we can't judge the social movements only doing this. On ne peut pas avoir une analyse simplement en s'asseyant sur une chaise, en lisant des livres et puis en regardant ce qui se passe et puis en apportant une critique anarchiste sans connaître, sans aller voir sur le terrain. As revolutionary anarchists in Mesopotamia and in Anatolia, we know our responsibilities. So we know our responsibilities and we have to be this fight. And we did. We had to be in this fight, and we did, and we will be in the future. En tant que révolutionnaires anarchistes de Mésopotamie et d'Anatolie, ils savent quelle est leur responsabilité, ils savent qu'ils ont quelle action ils doivent mener. Donc ils ont décidé de lutter dans cette lutte et de continuer à lutter avec. On this kind of social transformations, how we will get inside and there. Fight inside these struggles, we can find right to affect this movement. You can repeat because I will. I want to say that if we want an anarchist revolution in Rojava, we have to be inside the Rojava revolution. Si on veut que le processus révolutionnaire qui est au Rojava soit un processus anarchiste, il faut que les anarchistes soient présents dans ce processus révolutionnaire. If we criticize this movement, like blah blah blah blah, about of many reasons, it would be not. The Rojava revolution will not be an anarchist revolution. Si on fait simplement des critiques de blah blah blah, la révolution qui se passe au Rojava sera jamais une révolution anarchiste. Actually, I don't mean it is a hidden code, and this hidden code in my pocket I will give the this society. No, actually, the Rojava people is creating their own ideas and they are creating their own world. Like all of the history of the libertarian history or anarchist history in every geographies. But now we are being in this fight due to this fact and due to increase the anarchist dynamics of this movement. Il ne s'agit pas de... Alors, il y a une histoire de hiding code, là, j'ai pas compris. Il a dit, c'est pas que j'ai prendre une citation de ma poche. Avancer ouvertement. Ouais, il ne veut pas avoir... Il ne veut pas avoir, comment on dit ça, en français, on dit, arriver avec le drapeau, son drapeau dans sa poche, ou quelque chose comme ça, c'est ce que je pense. Hidden code. Avec une citation dans sa poche. Ouais, il ne veut pas arriver avec son drapeau à l'intérieur, faire valoir une chapelle. Ils s'inscrivent dans le processus de révolution pour faire que ça soit le plus anarchiste possible. Et puis parce que dans la lutte au Kurdistan, ils inventent leur propre voix, donc c'est quelque chose qui est en lien avec l'action et la pensée anarchiste. In the last 130 days, we all heard Kobane is about to fall. Kobane is falling. Kobane will fall. Actually, Kobane didn't fall, but it is not because of the coalition powers support. It is not because of the supports of the Barzanis. Actually, it is the own force of the YPG, YPG forces in the Kobane. Pendant 130 jours, on a entendu dire que Kobané allait tomber, que Kobané allait succomber, que Kobané c'était fini. Et en fait, Kobané n'est pas tombée, Kobané a résisté. Et si elle a résisté, c'est pas grâce à la coalition, c'est pas grâce aux frappes de la coalition, c'est pas grâce à l'intervention des Kurdes irakiens, c'est grâce à la lutte des YPG. From the beginning, any of this kind of examples, this kind of powers didn't make anything for Kobane. When YPG and YPG forces take the general control of the Kobane, they came to for supporting. And we are taking this informations from the mainstream. But the mainstream media doesn't give the supports of the coalition powers, United States, United Nations, and Turkish state, Syrian state, helps to the ISIS. We saw, as they said, their help for the Kobane, but really, it weren't happened. It didn't happen. Toutes les forces de la coalition, elles n'étaient pas là pour aider Kobané. Contrairement à ce qui a pu être dit dans les masses médias, et ce qui n'était pas dit, c'est que les États-Unis, l'ONU, tout ça, soutenaient la Turquie qui soutenait ISIS, Daesh et l'État islamique. Et en fait, ils se sont intéressés, ou ils ont dit qu'ils s'intéressaient à la situation à Kobané à partir du moment où le YPG et puis le YPG ont repris le contrôle de la ville de Kobané. FPP 106.3, donc c'était La Jungle des Luttes, l'émission mensuelle du CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Je vous rappelle que c'est rediffusé jeudi matin et que ça se retrouve assez facilement sur Internet, sur le blog lajungledeslutte.blogspot.com. Je vous rappelle aussi que donc les assemblées du CSPCL sont ouvertes tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles dans les locaux de la CNT. Et donc que qui veut venir partager l'information, raconter ce qu'il fait ou venir s'intéresser aux zapatistes, à l'actualité zapatiste, est le bienvenu. une petite actualité qu'on n'est pas encore tout à fait une, mais il y aura probablement une délégation des étudiants, des parents, des étudiants d'Ayotzinapa, des 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa, qui va venir en Europe, a priori à Paris aussi. Vous en saurez plus dans les semaines qui viennent, et on vous en dira plus dans les semaines qui viennent, mais voilà, il y aura ce genre d'événement qui semble se profiler. Et voilà, je vais donc vous laisser en musique et puis vous dire au mois prochain avec a priori une émission qui viendra directement du Mexique. Bonne soirée. Ya llevó su pasaporte.